monde. T'entends encore me dire, papy, qu'à ton époque, rien n'était jetable. Que pour draguer les filles, on portait leur cartable. Tu nous disais si bien que pour devenir ami, fallait tisser des liens plus forts qu'un clic de souris. Je t'entends encore, papy, dans le fond de mon cœur, me dire que quand tu seras parti, qui s'occupera des fleurs, qui arrosera le jardin, ramassera les haricots, qui se lèvera le matin pour écouter le chant des oiseaux. Rassure-toi ou pas, les filles n'ont plus besoin d'aide. Et tes fleurs en papa, plus personne ne les aime. Quant à ton jardin, papy, plus besoin de s'en occuper. Les oiseaux sont partis et les arbres sont coupés. Aussi, si tu m'entends de là où t'es, que ce n'est pas fini, que ça va pas s'arranger. Tu me racontais les cloches qui sonnaient les mariages. Autour d'un tourne-broche, on rassemblait tout un village. Que des familles entières venaient pour s'entraider, à défricher la terre et danser des bourrées. Qu'au travail comme à la fête, vous vous saviez y faire. Que vos gnolles remplissent la tête un peu plus. Et si j'ai besoin de vin, je n'ai qu'à prendre ma caisse. Je ne peux pas rester longtemps. Aujourd'hui, prier à l'église, ce n'est plus dans l'air du temps. Tu te souviens les sacs de billes qui vous amusaient tant? c'est des smartphones qu'ont les enfants. Mais on y a bien gagné. Il faut que tu me croies. Ils sont plus connectés, mais qu'avec ceux qui sont pas là. C'est aussi ce que je fais depuis que t'es plus là.